qu'au soleil les morues sont moins farouches à bomber le cul. J'ai pas encore gagné au loto, rentre chambre, sers-moi un verre d'eau. J'ai pas encore gagné le gros lot, non je trinque pas avec de l'eau. Tu baisses pas avec un prolo, t'arrives à me saouler. Ah, je pense que je vais rester un flan. Tu vois la porte, tu la prends. Laisse-moi seul avec mes rêves et les yeux qui se lèvent. J'ai pas encore gagné au loto, rentre chambre, sers-moi un verre d'eau. J'ai pas encore gagné le gros lot, non je trinque pas avec de l'eau. Tu baisses pas avec un prolo, t'arrives à me saouler. Allô, allô.